Toujours à l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les militaires de l'armée populaire, les travailleurs de divers milieux, les jeunes étudiants ont visité les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu pour rendre hommage. Devant les statues se trouvait déposée la corbeille de fleurs envoyée par le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. On a déposé les corbeilles avec les bouquets de fleurs au nom des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des organisations sociales, des ministères, des établissements centraux, des unités de l'Armée Populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, des établissements, entreprises, usines et écoles de tout échelon de la capitale et au nom de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste. Les masses ont exprimé leur hommage. Et les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, érigées dans divers endroits de la capitale comme l'université Kim Il-sung, le ministère des forces armées populaires et le centre de création artistique Mansudae, ont été fleuries au nom des unités de l'armée populaire, des établissements et entreprises. Et partout dans le pays, les militaires de l'armée populaire, les travailleurs, jeunes et étudiants, ont rendu hommage devant les statues et portraits en sourire des grands leaders dans leur région.